$10, 3 pour $20 jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e avenue à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Bonsoir amateurs de musique progressive, c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit et encore une fois c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir et vous êtes en compagnie de Jean-François et de Bruno jusqu'à minuit à CKRL 89.1 et aujourd'hui il sera question du nouveau Yes qui s'appelle Heaven and Earth. Et bon, c'est après tant d'années, on se demande toujours un peu à quoi attendre de Yes. Et celui-là, ben, honnêtement, on peut pas dire que c'est un grand cru. C'est composé majoritairement par John Davison, le nouveau chanteur. C'est présenté dans une pochette magnifique. Heureusement, c'est pas le style Open Your Eyes, là. Et c'est dessiné par Roger Dean, comme c'est la coutume depuis plusieurs années. Et bon, c'est un style assez différent de ce qu'on est habitué de Yes. Il n'y a pas de grandes envolées instrumentales. C'est chanté beaucoup, on s'attendait à ça. Mais il y a quand même des pièces intéressantes, comme celle qu'on va entendre, qui s'appelle Subway Walls. Et il y a aussi un nouveau saga qui s'appelle Sagacité. C'est paru dernièrement. Et bon, avec Saga, ben, on aime ou on n'aime pas. Mais dans le cas, je pense que c'est quand même un cru assez intéressant. Et ce premier bloc va se terminer avec Chamal. On a eu des commentaires sur Chamal. J'avais mis une longue pièce lors de ma dernière émission. Et je pense que ça a été apprécié. C'est un très bon groupe allemand qui a en fait un one-man groupe, si on veut, mais avec beaucoup d'invités. Et c'est très intéressant. On va en écouter une autre pièce. Et il sera aussi question des concerts. Je pense qu'on va avoir un automne assez chargé. Ça se présente assez bien. Steve Hackett qui nous revient le 28 novembre au Grand Théâtre. Et cette fois-ci, c'est pas Genesis Revisited, mais bien Extended. Et c'est une extension de sa tournée, effectivement. Et je pense qu'on s'enligne vers un 2 ans de tournée sur ce concept-là. Et Colin aussi le 23 octobre et Adrian Belew le 13 décembre. Et ça sera dans une salle qu'on est moins habitué, la salle Sylvain Lelièvre du Cégep de Limoilou. Dans le cas des Collines, ça sera à la chapelle, Centre des Arts, la chapelle. Et on y va tout de suite avec Yes, extrait de Heaven and Earth, la pièce Subway Walls. Thank you.

so you've a shiny new place to lie. Well, you're a mess, let me guess. You just found out that you've been at it again. Well, hand on hip, bite your lip, and then convince me you're not news at 10. Are you waiting for the proof? Are you gonna let it ride? Are you playing with the truth? Or are you gonna let it slide? Your chips, purse your lips, stand and deliver your best alibi. I presume you assume that we're just here to keep your mischief alive. So go ahead, let's pretend you're never one step over the line. Put your conscience on the loose, will you take me for a ride? Give me shelter from the truth, now I'm gonna let it slide. Shining light from the sun. Don't look away and use the last resort. Upon my soul, it's time. Don't look away and use the last resort. le très bon groupe allemand Chamal. Et avec le nombre d'albums qu'ils ont, si on regarde sur Prog Archive, il y en a à peu près une douzaine. Je trouve ça un petit peu surprenant qu'on n'ait pas entendu parler d'eux autres avant ça. Mais en tout cas, on essaie de corriger ça. L'album s'appelle Turn Off et c'est un album double. Deux disques assez pleins, autour des 70 minutes. Et ce qu'on a entendu, c'est de Creeping Dead, comme la chanson de Metallica, mais dans un style assez différent. Et c'est sur le deuxième disque. C'était précédé de Saga, de l'album Sagacité, et la pièce Let It Slide. Et on avait débuté avec le nouveau Yes, qui s'appelle Heaven and Earth. On a entendu la pièce Subway Walls. Et c'est le temps de passer à la publicité. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. Petit sondage. Êtes-vous passionné de musique, d'art ou de culture? Un bon communicateur, disponible une heure ou deux par semaine, prêt à vous investir dans une radio communautaire? Si vous avez répondu oui à plusieurs de ces questions, vous pourriez avoir votre place dans la grille horaire 2014-2015 de CKRL. Rendez-vous au ckrl.qc.ca dans la section « Proposer une émission » et remplissez le formulaire en ligne. Vous avez jusqu'au 3 août. N'hésitez plus à faire partie de la grande équipe de CKRL. CD Méloman fête ses 18 ans. Pour l'occasion, venez profiter d'un rabais de 15% sur les CD et vinyles neufs et sur les tables tournantes usagées. Profitez aussi d'un rabais de 25% sur les CD et vinyles usagés et les CD, vinyles et cassettes classiques usagées sont à 75% de rabais. Cette vente ne dure que 3 jours, du 1er au 3 août. CD Méloman, le disquaire où l'on fait de belles trouvailles. Au 248 rue Saint-Jean à Québec, 418-525-1020. Oui, c'est KRL Québec et vous êtes en compagnie de Bruno et Jean-François. On y va pour un deuxième bloc déjà avec qui va commencer avec Anathema. Un nouveau disque qui est paru cette semaine qui s'appelle Distant Satellite. Et encore une fois, moi je voudrais souligner la très belle présentation du label K-Scope. Qui nous sort encore un digibook, là, c'est ce qui était un peu le nec plus ultra là, des pochettes, si on veut, des packaging. Et c'est vraiment très luxueux, avec en plus un DVD avec la version 5.1 surround. Évidemment, il faut être équipé pour pouvoir apprécier la chose. Mais quand même, c'est un petit plus qui rend la chose intéressante. Il y a aussi Big Big Train qui a sorti il y a quelques mois un disque qui s'appelle Make Some Noise. En fait, c'est ce qu'on appelle un mini-album, mais en réalité, il y en a pour 45 minutes. Il y a beaucoup de monde qui sort un album complet qui ne dure pas aussi longtemps. Et là-dessus, ben, c'est plus une question de contenu. Là. Il y a quatre nouvelles pièces et des versions alternatives de d'autres pièces qui sont parues sur leurs deux albums. Là, Electric qui est paru avant. Et c'est une façon économique là, de faire connaître ces pièces-là, ces quatre nouvelles pièces-là, qu'on retrouve aussi sur une version complète qui s'appelle Complete là, English Electric. On retrouve les deux albums plus ces quatre pièces-là avec un gros livret. Mais quand on les possède déjà, ça revient un petit peu cher. Alors que ce mini-album qui s'appelle Make Some Noise offre une alternative plus intéressante. Et finalement, le bloc se terminera avec Magenta. Un extrait d'un album qu'on n'a pas assez écouté qui s'appelle The 27 Club. On va entendre la pièce Ladyland Blues. « purpose. Sometimes it gave us a reason and a rhyme. Looking for meaning in song. Searching and searching so long, so long. But we laughed and we cried and we fought and we tried and we failed. But I loved you. We fail. bounds play upon our feet. So much better days. So much better days. Here we live to pound at the pit heads and the foundries, old headings underground. On the open hills, so much better days. Where the rivers meet the seas, where the brass bands play a final piece. The power and the glory lost along the way. We were the lads, the men of iron, fires that lit the sky, the places that. lights, watch the sunlight fade, see my day by night. The sounds they spin my head, look around. Slowly come so fast.

Cultive tes goûts. Et c'est nous encore qui vous revenons pour un troisième bloc. Et ceux qui ont l'habitude de nous écouter le samedi soir devant un feu de foyer, je pense que ça prend un bon parapluie. Hein. On a une drôle de température ce soir, alors qu'il faisait assez beau. En fait, le ciel me paraissait même assez clair. On a eu des petits coups de tonnerre. Et c'est un drôle d'été aussi. Si on se fie à la météo, quelqu'un qui ne mettrait pas le nez dehors et qui se fierait à la météo, il aurait l'impression qu'on a eu un été assez mauvais. Mais le sol était assez sec jusqu'à récemment, ce qui n'est vraiment pas le cas depuis quelques jours. Mais ici, dans le studio, on est très, très bien et j'imagine que dans vos foyers, c'est la même chose. Et on va continuer à écouter de la bonne musique pour encore une bonne heure. Et ça va se poursuivre avec Steve Hackett. Je l'ai dit en entrée d'émission, Steve Hackett nous revient le 28 novembre avec la même tournée, mais cette fois-ci, elle n'est pas baptisée Genesis Revisited, mais bien Genesis Extended. Donc, on refait la tournée. En fait, c'est ni plus ni moins des supplémentaires. Et à Québec, la grande différence sera le bassiste. Ce ne sera pas Lee Pomeroy, mais bien Nick Begg, qu'on connaît pour... en fait, on l'a connu avec ses lulus et son kilt en cuir. Il nous avait impressionné. Un très, très bon musicien qu'on a vu un petit peu partout par la suite et qu'on apprécie beaucoup également. Et la pièce qu'on va entendre, c'est extrait d'un disque qui vient de paraître, qui s'appelle Genesis Revisited. En fait, c'est l'ancienne tournée, si on veut. Live at the Royal Albert Hall. Et la pochette est magnifique. La salle, c'est une salle mythique que j'aimerais bien visiter un de ces jours. J'aurai sûrement l'occasion. En tout cas, sinon, on va l'apprendre. Et cette fois-ci, ben, c'est le deuxième album live avec DVD qui sort sur cette tournée-là. Ça fait peut-être un petit peu doublon là, par rapport au live à The Hammersmith, mais disons que le décor est assez différent dans la magnifique salle du Royal Albert Hall. En fait, on achète cet album-là en fait en grande partie pour le DVD, mais ça comprend aussi deux CD qui contient un petit peu la même chose que live au Hammersmith. Deux CD et un DVD cette fois-ci. Et il y a juste quelques pièces de différents, mais on va entendre le Los Andos qui débute d'une drôle de façon. En fait, quand on assiste au spectacle, on se demande comment ça va virer en Los Andos. Donc, c'est un disque que je vous conseille qui se vend pas tellement cher. Je pense que c'est quand même abordable et c'est toujours intéressant à écouter, même si c'est des versions assez semblables au live à The Hammersmith. Et un autre groupe qui va venir nous visiter, c'est Colin, un petit peu dans la même période, en fait, un mois plus tôt. Et ce sera au Centre d'art La Chapelle, et le 23 octobre, comme je l'ai dit en début d'émission. Et il semblerait qu'il y aurait un nouvel album là, qui s'en vient pour Colin dans le courant de l'automne. J'imagine que la tournée qui va suivre va servir à faire la promotion de ce disque-là. Mais l'album éponyme qui est paru il y a 2 ans était très, très respectable. En fait, un faux double, là, puisque c'est deux disques d'à peu près 38 minutes. Et on va entendre un extrait de cet album-là qui s'appelle Island. En fait, c'est la pièce d'ouverture. Et on revient tout de suite après. We'll be right back. stay, it remains a constant part of our anatomy. Dives turn to diamonds while we planted our seed. The garden grew around us when they found us as a beautiful machine. All that we loved went into hiding. Thank you. across these bricks, then bleed into the mortar. Make it yours again. Wicked doubt it does possess. It is a vine persisting. Make it yours. Dripping from the memories of this beautiful machine. In soft rain with songbird she answers, I am silent, alone is crushing, dry is killing. Island once was nothing. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Vous faites des rénovations ou vous déménagez? Pensez à Gestigroup, un service de nettoyage résidentiel et commercial. Gestigroup vous offre des services d'entretien réguliers et de nettoyage spécialisés. Pour le nettoyage des fenêtres, les conduits de ventilation, le nettoyage après construction, le décapage et cirage de vos planchers ou l'entretien ménager régulier, Gestigroup vous assure un travail de qualité optimale avec une assurance qualité garantie 100%. Évaluation gratuite, Visa et Mastercard sont acceptés. 418-255-0256. Consultez le site web pour les promotions en cours. www.gestigroup.com. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est Michel Marcoux. Cette fois-ci, je ne veux pas vous vendre de bière, mais des t-shirts. C'est la grande liquidation des t-shirts officiels de CKRL. Vous en aurez un pour 10 $, deux pour 15 $, trois pour 20 $, jusqu'à épuisement complet. Les t-shirts sont en vente à la station même, au 405 3e Avenue, à Limoilou. J'ai chaud, j'ai froid. Nicolas Dumont vous invite tous les lundis dès 18h30 à explorer un monde de mariage illégitime aux saveurs country, folk, blues et garage. Bienvenue chez les bâtards. Seulement au 89.1. On a terminé ce bloc avec Écoline et nous sommes revenus à l'émission Terra Incognita. Écoline, donc, d'un album éponyme qui est paru il y a 2 ans. On a entendu la pièce Island. Et juste avant, Steve Hackett avec Los Endos. Et je vous rappelle que nous sommes disponibles en podcast si vous avez manqué une partie. Et sur le site de Terra Incognita, vous pouvez trouver aussi la feuille de route de l'émission. Et pour ce dernier bloc, on va écouter une autre nouveauté qui s'appelle Outsider du groupe Uriah Heep. Évidemment, Uriah Heep, c'est pas la même formation que lors des belles années. Et à part Mike Box, le guitariste, ben il reste plus tellement de musiciens. Mais depuis quelques années, ils font le petit bonhomme de chemin et ça se passe relativement bien. Outsider, par contre, peut-être faudrait que je l'écoute un peu plus, mais il me semble que ça sonne un petit peu rock FM. C'est pas ce qu'il y a de plus excitant. J'étais un petit peu déçu là, par ce disque-là. Il me semble que ce qui avait sorti il y a quelques années, en fait depuis 4-5 ans, je dirais que c'était peut-être supérieur à ça. Très très belle pochette par contre. Et le dos rappelle étrangement la pochette de Curse Pink, Mystic Spirit. On va entendre en tout cas une pièce pour se donner une idée, là, mais ça s'appelle Is Anybody Gonna Help Me? Et on va suivre ça par Steven Wilson qui, lui, a sorti quelque chose de. En fait, il a rassemblé là-dessus des mini-albums. En fait, ça date d'aussi loin que 2001. En fait, c'était passé un petit peu inaperçu, là, mais c'était plus ou moins des 45 tours avec une pièce originale puis un cover. Donc, on retrouve là-dessus des covers de Alanis Morissette, ce qui est un petit peu surprenant, des covers de Prince et d'autres musiciens comme ça, des fois, qui peuvent surprendre un peu. Et Steven Wilson est à peu près seul là-dessus. Il n'y a presque que personne qui l'accompagne. Et il dit même que dans le texte qu'il y a des choses qui ont été enregistrées dans des chambres d'hôtel, même en cours de tournée. Ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui s'appelle A Forest et c'est un cover du groupe The Cure, que si vous ne le connaissez pas, ben je vous invite à combler cette lacune. Un très très bon groupe. Ensuite, on va entendre Ian Anderson avec son Homo Erecticus. Un très bon disque. Si vous aimez Ian Anderson, quoique le monsieur, on ne peut pas dire qu'il se renouvelle. Mais ce qu'il fait, c'est quand même assez intéressant. Et on reconnaît sa flûte légendaire et un style de voix. Il faut quand même être honnête, sa voix a diminué au cours des dernières années, mais si vous aimez le bonhomme, ben, je pense que c'est un peu de la même trempe que son Fick as a Brick deuxième partie. Donc on commence avec Uriah Heep. We'll Anybody want But I have to tell you straight. There are zombies in the closet and they're not prepared to wait. We are the tribe that eats itself and spits out not a morsel thing. And navigates this desert by a cold and reckoning. Does anybody have the chance to coordinate on maps? A hint of a direction to avoid further mishaps. A throw of dice, a toss of coin, besides what Mrs. Luck might bring. As we navigate this desert by a cold and reckoning. This tall tsunami, haven't we heard it all before? Away the beast and shine the face, this party is an open door. All are welcome, all are joined in penitence and appease the king. While we navigate this desert, I'm cold and reckoning. Placed our trust in self-doubting leaders who have led. Led us through the dark to slip amongst the ranks and files of walking dead. Send to us a guiding symbol, tiny bird upon the wing. we navigate this desert by a cold and reckoning. Heavenly night. As we navigate this desert by a cold dead reckoning. C'était Pineapple Thief, cet extrait de l'album titlé Onwood, mais Onwood, mais dans sa version double CD sur K-Scope. Ce qui est un peu surprenant, la compagnie K-Scope avait l'habitude de ressortir les albums de Pineapple Thief, mais au départ, il provenait du label Cyclope. Dans ce cas-ci, il y a un deuxième CD qui comprend la série de mini-albums Down Rates. Et en fait, ça vient de ce disque-là. La pièce s'appelle Too Far Gone. Juste avant, c'était Ian Anderson, extrait de son dernier album. Et ce qui est un petit peu drôle, c'est que sur l'étiquette qui est apposée sur le plastique là, du Digibook, c'est écrit Jay Trotols, Ian Anderson. Donc, on tient beaucoup à l'appellation Jay Trotol. Juste avant, c'était Steven Wilson et ça donne une bonne idée de ce qu'est cet album-là. Donc, 6 compositions et 6 pièces qui sont des reprises de différents artistes aussi surprenants qu'Alanis Morissette et Prince. Et on avait débuté avec Uriah Heep, qui n'est pas une mauvaise pièce. Is Anybody Gonna Help Me, qui serait de l'album Outsider. Mais comme je disais, il me semble que le reste des pièces de ce disque-là sont peut-être un petit peu calibrées, là, Rock FM. D'ailleurs, la plupart des pièces durent autour de 4-5 minutes. C'est pas le meilleur, là. C'est pas Look At Yourself ou Magician Birdie. Là. On n'est vraiment pas dans ces eaux-là. Et on termine l'émission avec un autre extrait de l'album Saga, mais en fait, c'est la partie Saga Hit, c'est le disque supplémentaire qui vient avec ce disque-là, c'est en spectacle. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Underloose, qui est une pièce que jouait beaucoup dans les années 80, au moment où on découvrait Saga. Donc, c'est tout pour nous, après Saga, donc restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute. Et merci d'avoir été là, ça a été un plaisir. Hey!